Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me permets une petite annonce dans le podcast 2030 Glorieuse, hors des épisodes classiques, pour vous dire que Quentin, Lauriane et moi, on revient avec un nouveau tome de la collection de livres pour enfants intitulé « Quand je serai grand, quand je serai grande, je serai ». Vous vous en souvenez peut-être et d'ailleurs vous nous avez peut-être aussi soutenu l'année dernière, en fin d'année, pour ce premier tome qui était « Quand je serai grand, je serai boulanger solaire », qui avait été un succès sur Ulule et qu'on avait pu imprimer et envoyer en cadeau de Noël grâce à vous. On continue à en écouler à l'occasion des conférences, des rencontres, des événements auxquels on participe tout au long de l'année. Et là, avec Lauriane et Quentin, on revient avec le tome 2 sur un autre métier qui est en alliance avec le vivant. C'est celui qui est inspiré de Lamia et Sam Lali de Sea Shepherd, c'est-à-dire « Quand je serai grande, je serai gardienne des océans ». Voilà, le livre est trop beau. On a vraiment, nous, on voit progresser dans notre manière de nous adresser aux jeunes, dans l'articulation entre l'histoire et les dessins. On continue à avoir une histoire qui est accessible pour les 3 à 7 ans et qui, derrière, donne des conversations, des sujets à creuser. On a des pages ressources, on a des pages actions, on a des exercices, on a même un petit espace coloriage si jamais vos enfants veulent essayer de colorier au moins aussi bien que Quentin. Et on est trop content de revenir avec ce nouveau format, ce nouveau tome dont on est vraiment très fier, je dois vous l'avouer. On a donc aujourd'hui lancé la pré-campagne de la campagne de financement à venir. C'est hyper important pour nous la pré-campagne parce que ça nous permet de jauger un peu déjà le succès de la campagne à venir. Donc s'il vous plaît, si jamais le sujet vous intéresse, vous allez sur Ulule et vous cherchez « Quand je serai grand, je serai gardienne des océans », vous pouvez aussi aller sur nos réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux des 2030 Glorieuses pour trouver les derniers posts assez facilement sur Instagram. Le lien est directement dans la bio et inscrivez-vous à la pré-campagne, comme ça vous serez informés les premiers du début de la campagne. Et puis en plus, vous allez voir, on arrive avec quelques surprises, donc il ne faut pas louper les premiers jours qui seront importants. On organisera ensuite une remise en main propre, sans doute à Lyon, et puis peut-être à Paris en fonction de mes déplacements. Et puis on aura des envois partout en France pour que le livre soit sous les sapins pour Noël. Voilà, ça y est, on est déjà en train de parler de Noël. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je reviendrai avec un petit audio aussi dans le podcast 2030 Glorieuse pour vous en dire plus sur le projet, vous raconter un peu l'histoire. Mais là, c'était l'occasion de vous dire coucou, on revient avec le tome 2. Ne ratez rien à la pré-campagne. Et voilà, c'est dit. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis merci d'avance pour votre soutien. Salut! Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe, ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.